Ça arrive d'abord avec des crampes puissantes, nuages, plein d'eau, gris, avec plein d'énergie dedans. On voit qu'il s'allume en une question de secondes. Il s'éteint d'un côté, de l'autre. C'est vraiment fort. Ça commence l'orage. Ça s'approche, tu sens que ça s'approche. Plus puissante, plus gris. Il a un pouvoir, pas pouvoir, mais il a du noir qui arrive, comme la force noire qui arrive. Pouvoir, pas pouvoir, mais ça commence de plus en plus. On entend plus proche le bruit. En force plus haut de nous. Et il y a beaucoup d'énergie qui se passe, qu'on voit dans ce nuage gris, de feu, de c'est comme s'il y a quelqu'un qui criait, mais beaucoup plus fort. C'est une bagarre entre Dieu et l'énergie et tout. Et c'est une bagarre de lumière. Bagarre de lumière. Des lumières qu'on n'arrive pas à imaginer et à voir dans notre vie quotidienne. Et du coup, on s'arrive orage, d'abord avec des nuages, grands, puissants, avec nuages, plein d'eau, cette gris, voix, avec la lune, en question de seconde, d'un côté, de l'autre. Pouvoir, pas pouvoir, ça commence mais l'orage, ça commence l'orage, plus gris, de gauche, des nuages. Pour calmer un peu la chose, pour sortir cette énergie qu'il y a dans ces nuages, grand éclair qui tombe dessus. C'est comme une discothèque dans des lumières, toujours dans les tons bleus et gris. Lumière qui s'allume. Il sort un peu de l'eau. Et l'eau avec l'électricité va pas. Alors il y a un gros orage. On voit un autre éclair qui tombe, des nuages. Et c'est pas tout droit, c'est des nuages. C'est l'énergie puissante qui arrive sur Terre. Des nuages, il touche et crée le feu quand il touche la terre, quand il touche un arbre. Parce que c'est la mère nature qui est en pouvoir, des couleurs orange aussi. La force, elle est vraiment fâchée, noire. Et en plus, elle se trouve en haut de nous. On sait qu'on est impuissante, qu'il n'y a rien qu'on peut faire. Ça va créer soit du feu, du mal. Où ça va simplement donner une présence de la mère nature qui est là, des chocs avec des autres nuages. C'est-à-dire qu'il a le feu qui se mélange avec l'eau, et que l'eau il est fâché, alors il sort avec toute sa puissance. Et du coup, on a le feu qui arrive comme électricité jusqu'à terre parce qu'il est tellement fâché qu'il n'arrive pas à être en ligne droite. Alors il craque et tout ça s'explose. Tous les sentiments, peut-être des joies en puissance, peut-être des fourries, des rages énormes en discothèque, des dents, avec les tremblements d'un orage. On les sent jusqu'à la peau, jusqu'au cœur, que ça vibre en même vitesse et que tu sais que tu ne peux pas te sauver. Parce qu'une fois, il est sur toi, il est plus grand que toi parce qu'il est en haut. Il est en haut. Tu peux pas te toucher, c'est lui qui te vise, qui te mène les ventes, c'est tout. Il peut faire avec toi ce que tu veux. Il peut créer le feu, comme ça, dans la terre. Les autocollants rajoutés en forme d'éclair. Puissant. Pour moi, ça représente un peu la puissance de la voiture. Des sièges en poil rose. Elle est rabaissée. Plein de couches dessous de peinture. Rose jante, avec des cales à l'arrière. Des élargisseurs de pare-choc, d'ailes, bas de caisse. Porte lissée à l'arrière. Capot en vrai carbone. Il y a un pare-choc avant, c'est une Porsche. Les autocollants rajoutés en forme d'éclair. Le spoiler, il est à fond dedans. Des fois, c'est des hélices presque. Ça devient presque des monstres, ouais. C'est des machines volantes qui n'existent pas. Génétiquement, si c'est un humain, c'est pas possible. Puissant. Puissant d'éclair. Il y en a qui tombent du ciel. Hein. J'aurais des télés pour les gens derrière. Des sièges violets. Ouais, je le ferai avec du poil, pourquoi pas. Poil brun. Tout qui est à mon accord. J'ai le contrôle total de mon sphère. J'ai le contrôle de... Tu passes une place en ville, tu te mets sur une terrasse, puis tu regardes le regard des gens. Ouais, tu regardes le regard des gens. Toi, tu regardes les gens, puis tu regardes les gens comment ils regardent ce que tu sors. Oh purée, c'est beau ou quoi? C'est pas bien l'original. Comme moi, ma Golf, y'a personne qui comprend que je veux la faire vert. Je l'ai fait moi-même, je l'ai payé moi-même. Les mêmes. Toutes les mêmes. Par contre, la mienne, ben, elle sort du lot. Ça brille. Et ça éblouit. Puissant. Ça éblouit les gens. C'est quoi ça? Puis, ah ouais, des gens avec des brillants. Des poils roses. Des poils bruns, ouais. Ou peut-être pas bruns, ou dorés. Ouais, je mettrais doré. Et la voiture, elle a 10 000 miroirs dedans. Et ça sera en cuir violet, hein. Fuchsia. Tout. C'est vrai, je boosterai bien le son parce que j'aime bien écouter la musique à fond. Si j'ai envie de faire une voiture, je la fais. Si j'ai envie de faire un truc chez moi, je fais. Ça représente assez speed, assez efficace, assez agressif en même temps. Bien monté, bien tuné, quand même puissant. Il y en a qui modifient leur corps, puis nous on fait les voitures. Parce que c'est pas bien l'original. Forme d'éclair. Les autocollants rajoutés en forme d'éclair. Puissant. Voilà, je suis en ville. Je veux battre les hommes sur leur terrain. Des sièges en poil rose. C'est moi qui va sur la route et c'est moi qui ai le pouvoir de pouvoir aller à mon destin final. Je mets la musique et c'est pour la chanson, si possible. Je la mets à fond, la chanson, et je la chante avec les poumons ouverts. Je sors un peu la main pour prendre un peu de l'air. Que me diga que me quiere porque... Là, maintenant, j'ai pris l'autoroute. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. Delta E, la différence d'énergie, sur delta T, la différence de temps. Puissant. Il y en a qui modifient leur corps. Ça finit les gros pare-chocs, tout ça, c'est tout du sobre. Je veux dire, c'est pas ma grand-mère qui va mettre plus de son là-dedans, quoi. C'est... Je crois que l'automobile est aujourd'hui l'équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques. Je veux dire une grande création d'époque, conçue passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son image, sinon dans son usage, par un peuple entier qui s'approprie en elle un objet parfaitement magique. Ça, c'est les pétrolettes, allez. Ça devient ta personne, ça devient... Dis-moi avec quoi tu conduis, je dirais quitter. Tuning. Car tuning. Ton petite carcasse. Dis-moi ce que tu conduis et je te dirai qui tu es. On est isolé du monde autour. Aller où nous voulons aller, pouvoir partir vite, rapide. Ou, si je ne me trompe pas, ça devient un peu l'extrême de ce qu'on a voiture normale est là. Et on peut créer un environnement. Cette liberté apparente de pouvoir... Il a la carcasse d'une marque X et il s'ajoute des trucs à sa puissance maximale. Les sons, la vitesse, les pneus hyper... Et tout... À que ça soit joli et plus puissant. La puissance moyenne est égale à... Partir de notre quartier et aller loin dans notre voiture puissante. Comme ça, après, ça fait croire que c'est une Lamborghini. On va arriver à une tempête. Pour arriver à cette tempête... Il y a plus de 700 chevaux, ça. Delta A sur Delta T. Il rentrait pas dans le moule. Il est peint en orange, et puis il y a un flaming. C'est de l'adrénaline. Tout le temps, quand je démarre ma voiture, c'est de l'adrénaline. C'est quand même un pur sang, quoi. Le tonnerre. Il est 1934, celle-là. C'est l'homme qui vieillit. Maintenant, c'est les peanuts. Il faisait des courses de drague, il faisait les 400 mètres départ arrêté. Flaming, ils sont plus de ce monde. Parce que elle est rabaissée, elle a les rétros qui sont la même couleur que la carrosserie, les jantes Swarovski, tout la gueule de la voiture. J'arrive, voilà. Attention, j'arrive. Crédit rien, faire un... Delta A étant le travail, donc le déplacement de la force sur une certaine distance. Tout un truc adapté à toi. Personnalisation des objets. Une vision de l'individualisme. Mais il y a toujours eu des gens qui tunaient et puis qui modifiaient. C'est le propre de l'homme, non, de vouloir faire toujours mieux. On va en arriver à une tempête. De son énorme. L'hurlement du vent. T'as des moteurs à compresseur, t'as des moteurs à turbo qui font un autre son. T'as des V8, des gros V8 de 8 litres qui font des sons très très bas. Donc combien d'énergie pendant combien de temps? Il crée ce fantasme mécanique qui devient tout puissant. La chose. Ça dégageait tellement de vibrations, une douzaine de basses, on avait 7 amplificateurs, 7 condensateurs. T'étais à 1m50 de l'auto, puis t'avais l'impression d'avoir un deuxième cœur. L'idée, c'était de pouvoir passer une canette de bière debout. Ils faisaient ce qu'on appelle des top shops, donc ils coupaient les toits, ils rabaissaient les toits. Moi, ça m'arrive souvent de faire des kilomètres dans le vide, parce que t'as envie d'écouter le morceau que t'écoutes, tout ce qui se passe autour, tu t'en fous. Mais à 40 ou 50 ans, tu t'en fous du tuning. Tu peux faire comme tu veux, il y en a qui s'en sortent. Tu t'en sors jamais, tu t'en fous du tuning. Mais à 40 ou 50 ans, le tuning c'est fini. Tu t'en sors jamais, mais les mecs ils y reviennent. Mais à 40 ou 50 ans, tu t'en fous du tuning. Tuning c'est fini. Ceux qui ont été passionnés, un jour ou l'autre ils y reviennent. Dis-moi ce que tu conduis et je te dirai qui tu es. Ma voiture, c'est une extension de ma garde-robe et de mes objets personnels et de mon entourage. T'as fait à ta façon. Ils te vendent un truc basique, mais toi, tu arrives à la tuner. Par exemple, ton ordi, t'as tuné, par exemple, ta voiture, ta chambre, ta maison. Tuning, quoi, c'est tout tuner, c'est pas que les voitures. Il cherche à être unique. On est dans des grandes villes où on n'est plus unique. On est simplement personne en passant. On n'arrive plus à rentrer dans la société parce qu'il y a tellement de monde qu'on passe inaperçu. Être unique. Les personnes personnalisent leur personne. Je veux plus de as, je veux plus de seins, je veux moins ici. Quelques calories dans les anges là. Dans le pistolet qu'on dit. On pourrait dire, je tournais mon corps hier soir. Ça veut dire, je mis de la silicone dans mon sein. C'est le même complexe de Dieu. C'est de faire des images de soi-même. On dit que Dieu est tout puissant. Sa puissance est simplement son actualité. Il est toujours en acte. On commence à faire avec les plantes, on tune les plantes. Puis on veut que la rose soit plus rose et les pétales deviennent plus grands. Ils sont tunés carrément la nature. Ils sont envoyés de pétards dans les nuages pour pas avoir de pluie. Ce que c'est être une créature. Notre vie en puissance, nous sommes puissants. Nous pouvons devenir, mais nous ne sommes pas encore. Nous sommes en acte. pouvoir sur les autres, pouvoir sur soi-même. Et la puissance, on l'a tous, quoi. En différents niveaux, en différentes qualités. Les chevaux, on les fera jamais courir jusqu'à l'épuisement. Puissance, c'est, j'ai la puissance de pouvoir boucher cette chaise. Ça veut dire pas tout court que je suis plus puissante que toi, mais je suis plus puissante en ça. Peut-être moi, j'ai plus la puissance de danser salsa que toi, peut-être. Démontrer la puissance. Elles font montre de leur puissance. La véritable puissance, elle est insondable. On ne peut pas vider. Elle n'a pas de fond, le fond de la puissance. Tu peux vivre dedans, tu peux même baisser dedans, tu peux parler dedans, tu peux crier dedans. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. On n'est plus ici, mais on est déjà là-bas, on est toujours en avant. Cet acte parfait d'exister. Il fit tant de pieds, tant de pieds, et de mains, et de poings, et de coudes, et je crois de poignets, et de poings, et de l'air le plus emblématique, et tout de l'air le plus emblématique, et les yeux mon orage complet, que les yeux mon orage complet, plus longtemps, chien en détresse, cri lumière, chien en détresse, prière de voyageur, violence dans le chalet, violence d'enfant, c'est épouvanté, fracas de la clochette, fracas de sapin, fracas de la poudre, craquement de sapin, finale, dévastation de pommes de terre. L'hurlement du vent. C'est toujours pour donner une impression. Le tonnerre. Pour arriver à cette tempête. Scène champêtre ou orage dans les Alpes. Flaming. Pouvoir créer sur place. Désolé mon français, mais ta gueule, je vais arriver à mieux danser que toi. Le vent va accélérer de plus en plus dans une direction jusqu'à devenir permanent et ultra puissant. Dans son jeu d'enfant. Si on est tout puissant, ce n'est pas nécessaire à crier. C'est souvent les gens qui font le plus de bruit qui sont les moins puissants. Tout va être arraché. Dieu, j'imagine qu'il regarde un peu. Ah oui, il est en train de jouer avec ses petits jouets. Sa puissance est d'exister infiniment, parfaitement. Dieu, c'est en tonnerre. La survie du vivant devient très très difficile. Pour arriver à cette tempête. L'être humain est la voiture tunine des dieux. Si j'ai cette puissance en moi. Lui, il fait tout à sa façon, à sa couleur et, sa, et son goût, quoi. Sauf pour des bactéries, des petits insectes, des petits tas de sable qui seront progressivement dispersés. On dit que Dieu est tout puissant. Dieu est en tonnerre. L'acte parfait, la joie même d'exister. Il y a un vent gigantesque qui rapidement se synchronise avec la rotation de la planète. Des tempêtes Coriolis. Alors il nous a tonné. Toute créature est le créateur. On s'enfermera sous terre. Il nous a créé plus bas que lui pour pas pouvoir prendre le pouvoir et sa puissance. Il y a cette passivité qui est propre aux créatures. Dieu est puissant s'il existe. Être anéanti, être balayé, se nourrir en étant complètement sous terre. Il a quand même modifié qu'il reste homme et pas Dieu tout puissant. Il y a à chaque fois un climat à donner, des espèces de boules dans lesquelles l'énergie circule. S'inspirer sur la beauté, la bonté, la cohérence de la création. Ces cellules se déforment. Elles vont finir par se désagréger, se désintégrer pour former plus qu'une seule cellule. Une seule et immense tempête permanente qui tournera en même temps que la Terre, une tempête Coriolis. Ce qui est le plus intime à chaque chose. Mais jusqu'à maintenant, on fait qu'éruiner la planète et... On a un mouvement rotatif de lavabo qui se vide, qui se met en marche et puis ça fait un gros cyclone. L'être humain, c'est le mauvais tuning de Dieu. Mais c'est pas que c'est mauvais tuning, peut-être il a pas eu la bonne touche. Mais cette tempête-là va tout dévaster, va tout réduire à l'état de sable. Quelle est la musique de cette source? Quelle est cette musique qui est le plus intime à nous?